Aujourd'hui, dans l'affaire sensible, les tueurs du parc de Saint-Cloud. À Noël 1956, aux portes de Paris, dans un quartier plutôt riche et bourgeois, on découvre le corps de deux individus tués dans des conditions sordides. En l'espace de quelques jours, la presse s'empare de l'affaire et le double meurtre de Saint-Cloud s'affiche en une de l'actualité nationale. Au même moment, dans les rues de la capitale, la police traque sans relâche le ou les mystérieux assassins. Mais malgré des moyens considérables déjà à l'époque, au fil des semaines, l'enquête judiciaire piétine et pire, elle s'enlise. C'est alors qu'un incroyable coup du sort va remettre les policiers sur la piste des coupables. Un épisode à l'image d'un dossier hors norme dont nous allons vous raconter l'histoire aujourd'hui. Après le récit, nous recevrons Jérôme Pierrat, journaliste, spécialiste des affaires criminelles. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages. Son dernier livre, coécrit avec son frère Emmanuel, s'intitule « Pièce à conviction ». Il est paru aux éditions La Martinière au mois de septembre dernier. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacubovies. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Samedi 22 décembre 1956, il est un peu plus de 8 heures. Ce matin-là, une brume hivernale enveloppe Paris et sa banlieue. Au sud-ouest de la capitale, dans le parc de Saint-Cloud, la cime noire des arbres se confond encore avec le ciel. Avant l'ouverture de cet espace au public, Monsieur Michel, l'un des agents du domaine, traverse l'allée de la Félicité, seul sur son vélo. Les minutes passent, l'homme pédale, lorsque soudain, au loin, il entend un bruit. Quelques instants plus tard, un animal surgit sur le chemin. Monsieur Michel met pied à terre. Face à lui, un chien qui aboie. Derrière, le cycliste aperçoit une forme sombre le long d'un tapis de feuilles mortes. Alors, il tente de s'approcher, mais le chien montre les dents. Non, rien à faire. L'agent forestier rebrousse chemin et part chercher de l'aide. Un quart d'heure plus tard, M. Michel revient sur les lieux, cette fois accompagné du gardien-chef. L'animal, lui, est toujours là. Il rôde aux alentours. L'agent forestier pointe du doigt la zone sous les arbres. Le gardien s'avance et lorsqu'il arrive à hauteur du tas de feuilles, il découvre, à la lueur du petit jour, deux corps étendus face contre terre. Une demi-heure plus tard, le commissaire Carrère et ses hommes entrent dans le parc de Saint-Cloud. Ils remontent en voiture l'allée de la Félicité. Là-bas, au loin, un gardien leur fait de grands gestes. Les pompiers, eux, sont déjà là. Le chef des secours se retourne et leur fait un signe de la tête. Lui et son équipe n'ont rien pu faire. En silence, le commissaire Carrère s'approche des deux victimes. Il inspecte les corps. Le premier est celui d'une jeune femme. Elle est vêtue d'un pull-over de couleur verte. Presque couché sur elle, le second corps, celui d'un jeune homme. Il porte un grand manteau noir. Les deux individus ont entre 20 et 25 ans, tout au plus. Leurs vêtements et leurs têtes sont recouverts de sang, ce qui indique plusieurs blessures graves. Alors, avec précaution, les policiers fouillent dans les vêtements du jeune homme. Ils ne trouvent sur lui aucun portefeuille, ni papier d'identité, rien. Rien non plus du côté de la jeune fille. Elle n'a même pas de sac à main. Étrange. Pourrait-il s'agir d'un vol qui aurait mal tourné? Impossible pour l'instant de dire. Face à cette scène de crime sans témoin et sans armes, le commissaire Carrère a le visage grave. Plus tard, pour le quotidien Paris Matin, il raconte. Violente, brutale et glaçante, la mort de ces deux personnes était le résultat d'un acte d'une incroyable cruauté. On a très vite compris que le ou les assassins leur avait donné le coup de grâce en leur tirant une balle de revolver dans la nuque. Le scénario était digne de celui d'une exécution. À quelques mètres des corps, dans l'allée encore humide de rosée, on a remarqué des traces de pneus. Sans l'ombre d'un doute, ils indiquaient qu'une voiture avait stationné là, puis qu'elle avait fait demi-tour en empiétant sur la pelouse pour repartir vers l'une des sorties du parc. Était-ce là le véhicule utilisé par le ou les assassins pour prendre la fuite ? Nous voulions en savoir plus. Grâce au témoignage d'un surveillant du parc, les policiers établissent un premier signalement de la voiture. Il s'agit d'une petite Peugeot 203 de couleur grise. La veille, vers 17h, l'homme a aperçu ce même véhicule garé à l'allée de la Félicité. Et à son bord, il y avait un jeune couple. Elle portait un haut vert, lui un grand manteau sombre. Ils étaient en train de lire un magazine et de s'embrasser. À l'arrière, sur la banquette, le surveillant affirme également avoir vu un chien blanc et roux. Deux personnes. Un chien, la couleur des habits. Ces informations interpellent les enquêteurs, et pour cause. Lorsque M. Michel, l'agent forestier, circulait à vélo, il est tombé nez à nez avec un épagneul de taille moyenne. Le commissaire Carrère demande à l'examiner. À première vue, l'animal n'est pas blessé, mais son comportement est étrange, il semble perturbé. Autour de son cou, le policier découvre un collier orné d'une petite plaque de métal. Sur celle-ci, un nom et une adresse. Madame Delferrière, 3 rue Léopold Robert, Paris 14e. Il est un peu plus de 11h, ce samedi 22 décembre 1956, lorsque les policiers arrivent devant le domicile de Madame Delferrière, dans le quartier de Montparnasse. À la concierge, le commissaire Carrère explique avoir retrouvé un chien, un épagneul, et il recherche son propriétaire. Sans hésiter, la jeune femme leur indique le deuxième étage de l'immeuble. Quelques marches et un coup de sonnette plus tard, la porte d'un grand appartement s'ouvre. Une vieille dame en peignoir apparaît. Madame Delferrière, c'est bien elle, tremble. La veuve du célèbre animateur de radio et créateur de la compagnie Art et Travail, André Delferrière, se tient droite sur le seuil de sa porte, comme une automate. Au policier, elle explique ne pas avoir dormi de la nuit. Puis elle se lance dans des propos confus où il est question d'une jeune fille, de sa voiture, de son chien. Le commissaire Carrère fait asseoir la vieille dame et lui demande de reprendre son histoire avec calme. Madame Delferrière témoignera plus tard dans l'hebdomadaire détective. Hier, en milieu d'après-midi, ma filleule Nicole est partie avec un jeune homme pour emmener mon chien Yuki. Ensemble, ils ont pris ma voiture, sont allés au parc de Saint-Cloud. Puis ils étaient censés revenir à la maison le soir pour dîner. Je les ai attendus toute la soirée, mais ils ne sont jamais rentrés. Vous savez, Nicole, c'est une brave fille. Elle n'aurait pas pu fuguer. Je suis sûre que quelque chose de grave lui est arrivé. Avec tact, les policiers racontent à la vieille dame qu'ils ont retrouvé son chien, mais que l'animal était à proximité d'une scène de crime dans le parc de Saint-Cloud. Ils demandent ensuite à voir une photo de Nicole, sa filleule. La vieille dame comprend. Elle fond en larmes et leur tend un portrait encadré de la jeune fille. En une poignée de secondes, le commissaire Carrère met alors un nom sur l'un des deux cadavres qu'il a découvert 2 heures plus tôt, face contre terre. La jeune fille au pull vert s'appelait Nicole Despouet. Elle avait 20 ans. Ravissante brune aux yeux bleus, elle était, au dire de sa marraine, une fille sans histoire. Originaire de Vendée, elle habitait à Paris depuis 4 ans. Elle servait de demoiselle de compagnie, de secrétaire, voire à l'occasion de chauffeur, la vieille dame. Dans le quartier, tout le monde connaissait et appréciait la petite Nicole. Alors, qui aurait pu vouloir lui faire du mal ? Était-ce le jeune homme qui l'accompagnait, lance d'un ton fébrile Madame Delferrière ? À vrai dire, je ne sais pas grand-chose de lui. À part qu'il avait un nom italien. Pagano, Tagano, ou quelque chose comme ça. Nicole m'avait dit qu'il s'était rencontré à un bal la semaine passée. Elle m'avait dit aussi que c'était un jeune poète, un garçon passionné de littérature, et qu'il était technicien stagiaire à la radio-télévision française. Elle était sous le charme. Je ne l'avais pas vue si heureuse depuis longtemps. D'ailleurs, après leur balade au parc, elle avait insisté pour me le présenter. Nous devions dîner tous ensemble. Tagano, Pagano, pour les policiers, la piste est mince. Qui plus est, à la veille des fêtes de Noël, les services administratifs sont fermés. Heureusement, pour le commissaire Carrère et ses hommes, la Providence va très vite s'inviter dans leur affaire. Le lendemain matin, dimanche 23 décembre, la rumeur sur le meurtre des deux amoureux du parc de Saint-Cloud circule de bouche à oreille dans les rues de la capitale. Au même moment, deux hommes se présentent spontanément au siège de la brigade de la police judiciaire rue du Faubourg Saint-Honoré. Face aux policiers, ils expliquent que la seconde victime est peut-être l'un de leurs camarades d'université. Ce dernier, en effet, a disparu depuis vendredi après-midi après être allé à un rendez-vous avec une jeune fille dans le parc de Saint-Cloud. Pour en avoir le cœur net, on emmène les deux individus à la morgue. Sur place, ils identifient son cadavre. Ce jeune homme, allongé, recouvert d'un drap blanc, c'est bien Joseph Tarago. Originaire de Toulouse, il venait d'avoir 19 ans. Étudiant en droit, il s'était engagé à la RTF pour terminer ses études, racontent ses deux amis. Après vérification, on découvre que le jeune homme était en effet stagiaire rue Cognac-G au service de contrôle des ondes hertziennes. Sur le plan psychologique, Joseph apparaissait comme quelqu'un de sensible, de sentimental, un doux rêveur passionné de littérature, affirme l'un de ses camarades aux policiers. Résumons. Nicole Despouet et Joseph Tarago sont sauvagement assassinés par arme à feu dans un parc. On retrouve leur chien à proximité de la scène de crime. Quant à leur véhicule, il est toujours porté disparu. Autrement dit, et après 24 heures d'enquête, les policiers ont plus de doutes que de certitudes. En ce Noël 1956, dans les bureaux de la police judiciaire de Paris, l'enquête sur le double meurtre de Saint-Cloud progresse comme dans un polar à la Simenon. Les on-dit et les porte-à-porte offrent leur lot de révélations. Quant aux confidences et aux rumeurs, elles font la part belle à l'imagination. Au total, les policiers interrogent en l'espace de quelques jours plus de 500 personnes. Et très vite, au fil de ces témoignages, plusieurs pistes se dessinent. Il y a tout d'abord un étrange taxi avec pour client un homme corpulent. L'homme, d'une quarantaine d'années, portant un costume bleu foncé, a été aperçu par plusieurs personnes à proximité de l'allée de la Félicité, non loin de la scène du crime. Séduisante à première vue, l'hypothèse s'effondre lorsqu'on découvre que l'individu en question est un ingénieur des eaux et que ce jour-là, il se rendait dans le parc pour une mission bien précise. Ensuite, les policiers s'orientent vers une autre piste, celle d'un possible crime passionnel. En effet, la jeune Nicole Despouet avait eu une aventure amoureuse éphémère avec un jeune médecin quelque temps plus tôt. Alors, celui-ci aurait-il pu vouloir se venger d'elle et l'abattre de sang-froid de plusieurs coups de revolver ? Interrogé au commissariat, l'homme nie toute implication. Qui plus est, son emploi du temps le jour du meurtre exclut toute possibilité qu'il se soit retrouvé dans le parc de Saint-Cloud. Alors les policiers restent pour l'instant dans l'impasse. Assis à son bureau, le commissaire Carrère lit et relit les dossiers des deux victimes, Joseph Tarago et Nicole Despouet. A-t-on négligé un aspect de leur parcours ? A-t-on manqué quelque chose dans leur histoire ? S'interroge à haute voix le policier. Des heures durant, lunettes sur le nez, pipe à la bouche, l'homme fait les 100 pas. Grâce aux résultats des analyses balistiques, le commissaire sait désormais que chacune des victimes a reçu deux balles de calibre 7,65. La première au niveau de l'abdomen, la seconde dans la nuque. Petite particularité, non des moindres, les analyses démontrent que les balles proviennent de deux armes différentes. Autrement dit, il y aurait deux tireurs. Autre élément intriguant, le calibre des balles correspond à ce qu'utilisent les policiers avec leurs armes de service. Le commissaire Carrère n'a pas le temps de terminer sa réflexion que brusquement la porte de son bureau s'ouvre et un homme entre. Le jeune inspecteur essoufflé lui lance « Commissaire, commissaire, venez vite, on a du nouveau, on a un client. » Pour les lecteurs de Paris Matin, il raconte la scène. Un recoupement dans les procès-verbaux avait permis à mes hommes de faire la lumière sur un possible suspect. En effet, plusieurs témoins nous ont expliqué qu'un des gardiens du parc de Saint-Cloud, un dénommé Bernard, avait un comportement étrange avec les visiteurs. Cet individu d'une cinquantaine d'années, ancien militaire envoyé sur le terrain en Indochine, effectuait des rondes la nuit dans le parc armé de son fusil. Des riverains l'ont entendu à plusieurs reprises hurler « Les viettes, les viettes !» et certains l'auraient même vu mettre en joue des arbres avant de faire semblant de tirer. D'autres affirment même qu'il les aurait menacés. Auditionné par les policiers, le gardien nie toute implication. Mais ses propos sont confus, sa journée du vendredi imprécise. Et surtout, ses mains sont moites. Il transpire à grosses gouttes, il est très anxieux. Pour tenter d'en savoir plus, on perquisitionne son domicile. Sur place, on trouve des armes de différents calibres pour différents usages. Il y a des revolvers, des fusils de chasse et bien sûr des cartouches. L'arsenal d'un ancien soldat revenu du front. Mais le plus surprenant, c'est ce pantalon taché de sang qu'on retrouve au pied de son lit. S'agit-il d'une preuve incontestable de son implication dans le double meurtre? La réponse est non. Car après expertise, il s'agit de sang de canard. De plus, parmi toutes les cartouches retrouvées à son domicile, aucune n'est du même calibre que celle utilisée pour tuer le jeune couple. Enfin, l'homme n'était pas dans le parc au moment des faits. Les enquêteurs ont conclu que la piste du gardien, aussi alléchante et intrigante soit-elle, ne tient pas à la route. Une de plus, et une de moins finalement. Non, il faut chercher ailleurs. Quelques heures plus tard, les hommes du commissaire Carrère reçoivent un nouveau coup de téléphone. À l'autre bout du fil, un policier de la ville de Sèvres. Il affirme avoir retrouvé la trace de la fameuse Peugeot 303 dans laquelle un gardien du parc avait vu le couple. Le véhicule est garé dans une rue calme à quelques centaines de mètres seulement du parc de Saint-Cloud, non loin du commissariat de police d'ailleurs. Alors on ouvre et on fouille la voiture de fond en comble. À l'intérieur, les sièges avant sont recouverts de sang. Les enquêteurs retrouvent aussi un grand manteau foncé également taché de rouge. Il s'agit de la veste de Nicole. Sur le tableau de bord et les montants, on relève toute une série d'empreintes digitales. Mais après examen, aucune ne correspond avec celle des fichiers de la police. Tout de même, voici une voiture gorgée d'indices précieux. Mais surtout, une voiture qui permet aux enquêteurs de reconstituer le crime. En effet, vu l'ampleur des taches de sang dans l'habitacle, les policiers sont certains que le ou les criminels ont tiré sur le jeune couple alors que celui-ci était encore assis à bord. Ensuite, ils ont extrait leur corps avant de leur mettre une balle dans la nuque. Puis ils ont fait leur poche avant de prendre la fuite à bord du véhicule. Un crime crapuleux donc, selon toute vraisemblance, et dont le scénario macabre fuite dans la presse. Ainsi, à quelques jours de Noël, alors qu'on s'apprête à réveillonner, l'affaire du double crime du parc de Saint-Cloud s'immisce au cœur de toutes les conversations. Dans les bistrots, dans les cafés, dans les commerces, dans les repas de famille, chacun y va de sa théorie la plus folle. L'Ouest parisien est tout retourné, ça discute ferme dans les chaumières. En même temps, le dossier fait la une des grands quotidiens et des bulletins d'actualité, comme l'attestent ces titres évocateurs issus de la presse de l'époque. Deux jeunes innocents victimes d'un tueur fou, un couple d'amoureux sauvagement assassinés de sang-froid ou encore l'horreur et le sang aux portes de Paris, les superlatifs ne manquent pas. Et d'affaires locales, l'émoi devient vite national. De son côté, l'enquête de la police piétine. Le commissaire Carrère broie du noir, les familles, elles, tentent de faire leur deuil. Et pendant ce temps, le ou les meurtriers de Nicole Despouet et Joseph Tarago courent toujours. I'm a fool to want you. I'm a fool to want you, to want a love that can't be true, a love that's there for others too. I'm a fool to hold you, such a fool to hold you. To seek a kiss, not mine alone. To share a kiss the devil has known. Time and again. I said I'd leave you. Time and time again, I went away. But then once again, these words I'll have to say. I'm a fool to warn you. Pity me, I need you. It's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't get along without you. I can't get along without you. Jeudi 17 janvier 1957. En cette matinée d'hiver, une fine couche de neige recouvre les rues de la capitale et les toits des immeubles. Paris se réveille en silence. Sur les grandes artères, dans les kiosques à journaux, la presse du jour titre sur l'Algérie la vague d'attentats à la bombe perpétrée par le FLN. On parle aussi beaucoup de politique intérieure et d'une incroyable tragédie en montagne, celle des deux jeunes alpinistes Jean-Vincent Don et François-Henri morts de froid sur le Mont-Blanc. Mais le crime de Saint-Cloud, lui, est passé aux oubliettes. Il faut dire qu'aucun élément nouveau n'est venu étayer le dossier. Bref, on n'a pas d'infos. De mauvaises hypothèses en fausses pistes, l'enquête improbable de la brigade criminelle sur les mystérieux assassins a fini par lasser l'opinion. Désormais, chacun est convaincu qu'on ne retrouvera jamais le ou les coupables de cet acte barbare, rideau. Et pourtant... Vers 11h, ce jeudi 17 janvier, dans le 17e arrondissement de Paris, un individu se présente au comptoir des ateliers de l'entreprise Pison, un fabricant de postes de radio. L'homme a les cheveux gominés, coiffé en arrière, une fine moustache et il porte des lunettes noires. De son grand impair de couleur sombre, il sort la carte d'un petit détaillant d'électronique et des bons de commande pour 3 appareils de radio. Il affirme être un client régulier de la maison. Monsieur Pison, le responsable, acquiesce. Il lui prépare 2 postes et lui propose de lui faire livrer le 3e. L'homme paraît alors un peu gêné, il bredouille. Non, vous dérangez pas, je viendrai moi-même les chercher. Son brusque changement de comportement intrigue Monsieur Pison. Celui-ci a un doute, comme il l'expliquera plus tard au journaliste. Après son départ, étonné, je téléphone à ce concessionnaire qui nous affirme n'avoir jamais rien commandé. C'était donc un escroc, ça ne l'avait aucun doute. Sans ces entrefaites, il téléphone à nouveau pour commander un appareil de télévision qu'il viendrait chercher tout de suite. Nous préparons donc cet appareil de télévision et dès qu'il est arrivé, je fais bloquer la sortie par mes employés. Il voit qu'il est découvert, il ouvre la porte, s'engage dans l'escalier, cherche à fuir. Nous le poursuivons, nous l'arrêtons dans l'escalier et là, nous le maintenons jusqu'à l'arrivée de la police. Lorsque les policiers fouillent l'individu, ils découvrent dans sa veste un pistolet de calibre 7,65. Plus surprenant encore, il est en possession de 5 chargeurs dont les balles sont les mêmes que celles utilisées par la police. Emmené manu militari au commissariat du quartier, l'homme ne se démonte pas, au contraire. D'ailleurs, il nargue les policiers, il joue les caïds. Quand on lui demande son nom, par exemple, il réplique à l'agent « Moi, le tiens d'abord ». L'examen de ses papiers permet de découvrir sa véritable identité. Ce jeune homme de 19 ans, un petit escroc sans charisme, répond au nom de Jean-Claude Vivier. L'interrogatoire commence, les questions ne trouvent pas de réponse. Au bout d'un quart d'heure, lassé et fatigué, l'un des inspecteurs demande au jeune homme sur le ton de la plaisanterie « Hé, toi le petit dur, ce serait pas par hasard l'assassin de Saint-Cloud ? Figure-toi qu'on te cherche depuis plusieurs semaines. » Les officiers éclatent de rire. Mais là, contre toute attente, Vivier leur répond « Mais oui, monsieur, c'est bien moi. » Les enquêteurs le regardent interloqué. « Enfin, ne raconte pas de conneries, Vivier, ça pourrait te coûter cher. » Mais loin de se laisser impressionner, le jeune homme insiste. « Vous ne croyez pas ? Eh bien, regardez dans mon portefeuille, vous verrez que c'est bien vrai. » Dans le portefeuille en question, on découvre en effet la carte grise de la Peugeot 203, celle utilisée par le jeune couple pour se rendre au parc de Saint-Cloud. Il y a aussi le permis de conduire de l'une des victimes, Nicole Despouet. Alors cette fois, plus de doute possible, Vivier a bien trempé dans l'affaire. Les hommes de la brigade criminelle viennent chercher le jeune homme et l'emmènent au 36 quai des Orfèvres pour un second interrogatoire. Toujours souriant, Vivier tient son rôle. Il parade dans les couloirs de la criminelle, menotte au poignet, grande cuir aux mains. Il lève bien haut la tête pour que tout le monde voit ses lunettes noires. Face au commissaire, il déroule le fil de son histoire. Il explique qu'il voulait braquer un PMU, celui de la rue Lafayette. Pour ça, il avait besoin d'une voiture. Donc il est allé à Saint-Cloud pour en voler une. Là, il est tombé sur ce couple qui lisait à bord du véhicule. Vivier mime alors le bang-bang de sa main droite pour faire comprendre qu'il les a liquidés. Puis il raconte qu'il a pris la voiture et qu'il est reparti. Le jeune homme affirme aussi avoir agi seul. Les policiers en doutent. Après avoir réclamé un sandwich, Vivier demande à parler à la presse. Il a dit qu'il avait d'importantes révélations à faire. Autre temps, autre mœurs, le commissaire accepte. Caméra et micro à la main, les journalistes s'agglutinent alors autour du jeune homme, tout sourire. Au fond, ce crime n'est pas si grave. On ne pourra pas dire que je l'ai prémédité. Qu'est-ce que ça ira chercher ? 20, 5 ans, si j'ai de la chance ? Ce qui m'embête, c'est d'avoir à revêtir le costume de bagnard. Puis Vivier poursuit son plaidoyer dans un stylo haut en couleur. Me voici devenu une vedette. C'est la raison pour laquelle vous êtes si nombreux autour de moi. Messieurs les journalistes, je suis très satisfait de votre présence, car je tiens à ce que cette affaire connaisse une grande publicité. Maintenant, on va m'emmener. Je vais passer quelques mois à l'hôtel, nourri, logé. Je tiens à ce qu'on sache que si j'en suis arrivé là, c'est à cause de l'éducation que j'ai reçue chez les curés. Quelques heures plus tard, l'enquête sur le double meurtre de Saint-Cloud connaît un nouveau coup de théâtre. Sans qu'il y ait de lien apparent avec l'arrestation de Vivier, une femme d'un certain âge se présente spontanément au commissariat du 20e arrondissement de Paris, mais pas les mains vides. Au contraire, elle est en possession d'une arme de calibre 7,65, la même que celle qui a tué Nicole Despouet et Joseph Tarago. Effondrée, elle explique avoir trouvé l'engin dans une vieille veste de son neveu, un jeune homme de 20 ans, du nom de Jacques Sermeus, qui a, dit-elle, en ce moment de mauvaise fréquentation. Les policiers se rendent au domicile du jeune homme, rue des Pyrénées, ils l'arrêtent, et sous son lit, ils découvrent un sac à main de femme, le même que celui de Nicole Despouet. Inconnu des services de police, Jacques Sermeus se retrouve à son tour menotté au 36 quai des Orfèvres. L'homme pleurniche, et il passe vite aux aveux. Oui, l'arme est bien à lui. Oui, il a bien tiré sur le jeune couple. Oui, il a bien pris le sac avec la moitié de l'argent. Mais tout cela, il l'a fait sur ordre de son complice. Un certain Jean-Claude Vivier. Car c'est Vivier, dit-il, qui lui a ordonné de tirer sur le couple une première fois avant que ce dernier ne les sorte de la voiture et les exécute lui-même d'une balle en pleine tête. Le soir même, la presse titre avec une photo de Vivier et Sermeus, Saint-Cloud, ce sont eux. Jean-Claude Vivier et Jacques Sermeus, les auteurs tristement célèbres de l'abominable crime du parc de Saint-Cloud, qui le 23 décembre 1956 coûta la vie à Nicole Despouet et à Joseph Tarago, ont été examinés du point de vue mental à la prison Saint-Pierre de Versailles par trois médecins aliénistes. Le rapport des experts est formel. Il conclut à l'entière responsabilité des jeunes assassins. Le magistrat instructeur, le juge d'instruction Verdeau, n'attendait plus que le rapport médical pour clore son dossier. L'instruction est donc virtuellement terminée et c'est sans doute en février prochain que les jurés de Seine-et-Oise auront à statuer sur le sort des coupables. Mars 1958, le grand procès des tueurs de Saint-Cloud s'ouvre. La salle d'assises du tribunal de Versailles est pleine. On compte une cinquantaine de journalistes. Parmi eux, des chroniqueurs judiciaires tels que François Sagan ou Hervé Bazin, transformant le prétoire en annexe 12, ou de quoi ravir Vivier le mégalo, le meurtrier qui avait convoqué la presse. Mais dans le box, c'est une autre histoire. Lui et son complice sont beaucoup moins arrogants. Ils ont rasé leurs moustaches, ils baissent les yeux, ils parlent de leur moment de folie au lieu d'incriminer comme autrefois la société tout entière. Aussi longtemps que s'est égarée l'enquête, l'opinion a cru qu'il s'agissait d'un des crimes les mieux fomentés de l'histoire judiciaire. Mais depuis l'ouverture du procès de ces auteurs présumés devant les assises de Versailles, aucun doute n'est possible. Vivier, Sermeuse, c'étaient des amateurs, des petites frappes. Ils ont agi par vanité. Oui, ils voulaient faire un coup et voulaient passer pour des durs. Tour à tour appelés à la barre, ils se rejettent la faute et changent de version. Ils expliquent qu'ils étaient à la recherche d'une voiture pour faire un casse, puis ils racontent l'attente dans le parc de Saint-Cloud des heures durant, et puis la découverte, par hasard, de la 203 dans l'allée de la Félicité. Enfin, dans le détail, ils racontent le meurtre du petit couple, comme le rapporte le chroniqueur judiciaire de France Inter, le célébrissime Frédéric Potcher. Le président à Sermeuse. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Sermeuse, j'ai tiré. Le président. Vous n'avez pas dit « Oh les mains ?» Sermeuse. Non, j'ai eu peur. Le président. Vous avez eu peur de dire « Oh les mains », mais vous n'avez eu pas peur de tirer ? Bon. Enfin, voyons, Sermeuse, pourquoi avez-vous tiré ? Sermeuse, je sais pas, monsieur le président. J'ai perdu la tête. J'ai eu peur de Vivier. Je croyais qu'il ferait quelque chose. Le président. Vivier vous a-t-il menacé, Sermeuse ? Oh non, non, non. Oh, c'est difficile, moi, je peux pas dire. Le président. Et après, Sermeuse, vous avez jeté les corps hors de la voiture. Et vous vous êtes mis au volant. Alors, Vivier, à ce moment-là, Vivier. Ben, Sermeuse m'a passé son arme. J'avais les deux pistolets, j'ai pris le mien. Puis, automatiquement, j'ai tiré sur la jeune fille qui remuait encore. Sur le banc des parties civiles, Madame Despoux et Madame Tarago font en larmes. L'audience, elle, est sidérée par la médiocrité des deux co-accusés. Et Frédéric Potcher poursuit. Le président, tout à coup. Enfin, voyons, et si les gardiens vous avaient interpellé à la sortie du parc, hein? Qu'est-ce que vous auriez fait? Les deux accusés haussent les épaules et disent « Je sais pas ». Et ils ont abandonné la voiture à Sèvres parce que Sermeuse conduisait trop mal. Par conséquent, on le voit, ce crime ne pouvait plus leur servir à rien. Le président à Vivier. Après le crime, vous prenez la carte grise, les clés de la voiture, et deux jours après, vous dînez chez des amis. Il y a là un journal où l'on parle longuement du crime de Saint-Cloud. Vous auriez dit alors aux personnes chez qui vous vous trouviez, celui qui a fait ça, ah, c'est un fort. C'est vrai, Vivier, vous avez dit ça ? Vivier, la tête basse. Oui, le président. 15 jours après, vous allez dans la forêt de Fontainebleau, vous êtes armés tous les deux. Pourquoi faire, Sermeuse ? Sermeuse, pour voler une voiture, monsieur le président. Mais on voulait pas tuer, on voulait seulement menacer. Le président, vous avez dit au juge d'instruction, je reconnais que nous étions prêts à recommencer. Et en effet, seulement ils ont été arrêtés tous les deux le même jour, environ un mois après le crime. Pour seule stratégie de défense, les avocats de Vivier et Sermeuse mettent en avant le parcours de leurs clients. Deux petits gars du sud de la France qui ont passé leur enfance dans des orphelinats. L'enfance des deux complices est en effet à l'opposé de celle de Nicole Despoux et Joseph Tarago. Un parcours de jeunesse difficile avant de monter un jour à Paris pour tenter leur chance. Mais le président du tribunal les interrompt. Oui, enfin, de là à pousser au crime, il y a un monde tout de même. Ah oui, évidemment. D'ailleurs, les avocats n'en relancent pas. De leur côté, les experts psychiatres affirment que les deux prévenus ont les capacités intellectuelles du niveau de celles de jeunes écoliers. Ils ne savent pas vraiment lire, ni même écrire, ils savent à peine compter. Ils ont des profils affectifs instables et surtout, ils manquent de repères. Un discours qui contraste avec celui des policiers appelés à leur tour à la barre. Eux insistent sur l'aspect macabre de la scène de crime et la violence hors norme qui s'y est déroulée. Au T1, terme des débats, une chose est sûre. Vivier était le donneur d'ordre, Sermeus le suiveur, l'exécuteur, c'est le cas de dire. C'est Vivier qui s'était procuré des armes grâce à de faux bons d'achat de la préfecture de police. C'est lui qui les a apportés sur place. Pour les jurés, la question est donc de savoir si on peut retenir la préméditation contre les deux hommes pour ce double crime, auquel cas ils encourent la peine capitale. Après 3 journées d'audience, le jury rend son verdict. Le président Chapard lit leur sentence devant l'audience. Pour le double meurtre de Nicole Despoux et Joseph Tarago le 23 décembre 1956 dans le parc de Saint-Cloud, à l'acte d'accusation de vol, le jury répond « coupable ». À l'acte d'accusation de meurtre, le jury répond « coupable ». À l'acte d'accusation de préméditation, le jury répond « coupable ». En conséquence, explique d'un ton grave le juge, messieurs Jean-Claude Vivier, 19 ans, et Jacques Sermeus, 20 ans, sont condamnés à la peine de mort. Dans le box, les deux jeunes hommes s'effondrent. En quelques fractions de seconde, les caïds retrouvent leur visage d'enfant. Plus tard, mercredi 6 août 1958, le dernier acte de cette affaire se joue dans la cour de la prison de la Santé à Paris. Il est 4h20 du matin lorsqu'on frappe à la porte de la cellule 22, celle de Jean-Claude Vivier. Les gardiens le menottent et l'emmènent dans une petite salle. Il y a là ses avocats, le bâtonnier et un aumônier. On aide le jeune homme à écrire un dernier mot pour sa mère, on lui propose une dernière cigarette ou un verre de rhum, il refuse. Puis le petit groupe ressort en direction de la cour. L'échafaud est là. Sa lame tranchante brille, son bourreau attend. Pendant que Jean-Claude Vivier marche vers sa mort, la porte de la cellule 19, celle de Jacques Sermeus, s'ouvre à son tour. Deux hommes entrent. Il y a là le représentant de l'avocat général et du directeur de la prison. L'un d'eux lui dit « Sermeus, votre recours en grâce a été accepté. » Ébahi, le condamné ne comprend pas ce qui lui arrive. Ses seuls mots sont pour Vivier. Il dit « Et Jean-Claude ?» Le directeur de la prison le fixe du regard et prononce cette phrase terrible. « Vivier est en bas, on s'occupe de lui. » À 4h57 du matin, ce mercredi 6 août 1958, au milieu des feuilles mortes et d'un silence profond, un bruit sec nous renvoie au Moyen-Âge. La lame de la guillotine tranche la tête de Jean-Claude Vivier. Ici s'écrivent les dernières lignes de l'affaire des tueurs de Saint-Cloud. Sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou. Que ma main plus légère et grave qu'une veuve. Effleure sous mon col. Sans que ton cœur s'émeuve, laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh viens mon beau soleil, oh viens ma nuit d'Espagne. Arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir. Ni les fleurs soupirer, et des prés l'herbe noire. Accueillir la rosée, où le matin va boire. Le clocher peut sonner. Moi seul, je vais mourir. Oh viens mon ciel de rose, oh ma corbeille blonde. Visite dans sa nuit ton condamné à mort. Arrache-toi la chair, tu escalade mort. Mais viens pour pose ta joue contre ma tête ronde. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour. Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Amour, vient sur ma bouche, amour, ouvre tes portes, traverse les couloirs, descends, marche léger. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les tueurs de Saint-Cloud avec notre invité, Jérôme Pira. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste des affaires criminelles. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Votre dernier livre, coécrit avec votre frère Emmanuel, s'intitule Pièce à conviction. Il est paru aux éditions La Martinière au mois de septembre dernier. Non seulement c'est un livre intéressant, mais en plus c'est un très beau livre, dont nous reparlerons à la fin de cette interview. Je le dis pas toujours, c'est un très beau livre. Là, ça n'est vraiment. C'est gentil, écoutez. Bon, il est un peu lourd, il est un peu gros. Tout le mérite en revient à La Martinière, à l'illustrateur, surtout. C'est vrai. Bien, alors, Ce meurtre-là, ce double meurtre avec deux coupables, c'est commun à cette époque. On en voit beaucoup. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait plus de crimes à cette époque-là, finalement. Oui, alors très étonnamment, on a un peu oublié. C'était pas mieux avant. C'était même beaucoup plus sanglant. L'affaire le montre, et c'est étonnant. Effectivement, elle s'inscrit dans un contexte un peu particulier. À la même époque, il y a plusieurs cas d'assassinats très violents comme ça par des doudingues qui se prennent pour des caïds. Il y a une affaire qui fait écho et qui est très troublante, qui va se dérouler 2 ans après. C'est celle de Georges Rapin, un type qui est surnommé Monsieur Bill. Alors lui, c'est un fils de bonne famille, c'est pas là un orphelin comme nos deux sbires. Mais attendez, je note pour de prochaines affaires sensibles. Georges Rapin, Monsieur Bill, voilà. Oui. Et lui, en 1958, il va avoir à peu près le même délire que Jean-Claude Vivier, c'est-à-dire qu'il va se prendre pour un voyou. Il a d'ailleurs à peu près le même look, la fine moustache, les cheveux gominés en arrière, les gants noirs, les lunettes de soleil. Il faut dire que ces messieurs ont dû être abondamment inspirés par la série noire qui venait d'être créée, etc. On est dans une époque où le voyou, le milieu, constitue un vrai mythe, une vraie légende, un motif de fascination pour quelques jeunes gens perdus. Alors c'est le cas de ces deux-là, et puis de ce monsieur Bill qui, lui, va tuer une entraîneuse se prenant pour un proxénète, et il va faire à peu près la même chose que lui, c'est-à-dire que quand il va être en garde à vue, il va avouer des meurtres d'ailleurs qu'on lui connaissait pas. Il a tué un pompiste pour une pauvre recette, etc. Il va comme ça les revendiquer, finir sur l'échafaud comme Vivier, exactement le même profil psychologique. C'est assez étonnant. Il y en a eu un autre dans la décennie suivante, Christian Jubin, aussi un fou furieux qui va s'attaquer, lui, à un grand voyou du milieu qui avait un bar aux Abbesses. Il va rentrer, il va tuer la barmaid, tuer le petit copain de la barmaid, violer la fille du fameux Joatia, c'est lui, grand voyou propriétaire de l'établissement. Voilà. Le Jubin, il finira, lui, pas sur l'échafaud, mais en prison. Il mourra d'ailleurs à Carcer en 1990. Donc voilà, donc c'est une époque, les années 50-60, très violente. Sans doute, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ces crimes. Il y a cette fascination du milieu qui est très très très présente à l'époque dans la littérature, dans le cinéma. C'est toute la grande époque des films de Gabin, de Ventura, etc. Et puis, il y a la sortie de la guerre. On est, bon, certes 10 ans après, mais il y a beaucoup d'armes qui pullulent. Il y a une grosse culture de la violence. Juste après-guerre, les groupes criminels, les voyous, les truands, etc., ont beaucoup fait usage des armes à feu. On va dire que la plupart n'ont peut-être pas entendu sonner la fin des combats. Ils s'étaient distingués dans la résistance, dans la collaboration. Oui, l'un ou l'autre, d'ailleurs. Voilà, l'un ou l'autre. Ils avaient plutôt manié la tétine, comme on appelait la mitraillette Thompson, là, celle à Camembert, à l'époque. Et donc, pendant toutes ces années-là, ça va être extrêmement violent. Des règlements de compte, mais aussi des braquages. C'est la mode des braquages assez fous, comme ça, comme envisageaient les deux, là, d'ailleurs. C'est Borsalino syndrome, quoi, en gros. Oui, c'est ça. Alors, ils baignent Parce qu'il y a aussi tout un costume. Oui, ils sont. On voit bien, le Vivier, il cultive le look, les lunettes de soleil, les cheveux gominés, ils ont le costard. Enfin, bon, voilà, ils sont complètement fascinés, ces pauvres garçons. Oui. Parlons de la police. Alors, on l'oublie pas, mais on n'y pense pas toujours. Mais à cette époque-là, elle n'avait pas les moyens d'aujourd'hui, notamment police scientifique, ADN. Quand même des aides énormes. Là, il n'y a pas tout ça. Ah bah on voit bien d'ailleurs, ils patinent sérieusement, et sans deux coups du destin, ils y seraient encore, sans doute. Si la tante de l'un des deux n'avait pas trouvé le pistolet, et puis si l'autre n'était pas complètement demeuré et n'avait pas été faire des escroqueries en portant un pistolet qui avait tué des gens sur lui, etc., etc. Puis de toute façon, finalement, il a quand même avoué aussi, tout simplement. Donc effectivement, la police est était assez sèche et les élucidations d'homicides étaient beaucoup plus rares. Aujourd'hui, on a l'ADN, la téléphonie, la balise, Internet, la vidéosurveillance, les ordinateurs qui parlent. Oui. Bon, il y a alors l'ADN est aussi voilà qui fait vraiment vraiment vraiment beaucoup. C'est assez primaire la façon d'enquêter à l'époque, le porte-à-porte. Alors, ça doit se faire encore, mais c'est la base de la police judiciaire à l'époque. Ouais. Hein, c'est l'enquête de voisinage, c'est-à-dire qu'on peut se fonder que sur les témoignages, les infos récoltées comme ça, hein, puisqu'il n'y a pas d'autres médias ou en tout cas vecteurs d'information. Donc effectivement, le boulot de l'inspecteur de police, comme on l'appelle à l'époque, et c'est de prendre mettre son chapeau, sa gabardine, et puis d'aller sonner un peu partout. C'est de récolter les informations, recouper. C'est un boulot très très très très fastidieux à l'époque. Aujourd'hui, il y a moins à le faire. Enfin, ils le font toujours. Hein. L'enquête de voisinage, c'est quand même le béaba. Après, il y a moins de filatures, de planques, de machins. Il y a toute l'électronique pour suppléer à tout ça aujourd'hui. Bien sûr. Alors, les deux, là, Vivier, le Maigrichon qui joue au gros caïd, on en a fait le portrait déjà. Sermeux, c'est un simple suiveur. Il est sur la coupe de Vivier. Oui, il a l'air complètement influencé, ce garçon. Il n'a pas grande personnalité. Il est guère plus intelligent que son comparse. Et puis, on voit bien qu'il est effacé. D'ailleurs, il n'a pas de parcours criminel, lui. Hein. Il est un peu là, l'oiseau tombé du nid, complètement assommé. Et donc, oui, on peut... Sans grande personnalité, par effet de mimétisme, je sais pas, il a dû se trouver un rôle à ce moment-là et une très mauvaise influence en tout cas. Ouais. Et donc ça a été pris en compte par la justice. Oui, le tribunal le reconnaît et va vraisemblablement finir ses jours en prison. Bien, alors le rôle de la presse dans cette affaire et à l'époque, la presse a toujours joué un grand rôle en relais de narration et de supposition, d'hypothèse, parfois pour le pire, parfois pour le meilleur. On va écouter comment les actualités françaises, on disait comme ça à l'époque, en 1957, parlaient de ce crime. Une 203 dans une allée du parc de Saint-Cloud. À quelques mètres de la voiture, deux cadavres qu'on identifiait bientôt comme ceux de Joseph Tarago et de Nicole Depuy, tous deux âgés de 20 ans. Ainsi se révélait le 22 décembre le crime de Saint-Cloud. L'enquête ne donnait aucun résultat quand le 11 janvier à Paris, les policiers arrêtaient porteurs de divers objets qui les identifiaient comme les auteurs du crime, deux jeunes gens de 19 ans. Jean-Claude Vivier, un dévoyé, auteur de nombreux méfaits, et Jacques Sermeuse, qui avouait aussitôt. Ainsi trouve son dénouement un crime insensé et particulièrement abominable. Une 203 garée, il y a du charme quand même. Hein, quand on... Il y a une certaine voix. Et puis une certaine façon de parler qui est tout à fait étonnante. Bon, la presse alors. La presse, effectivement, elle va s'intéresser et en faire un feuilleton, une espèce de roman noir. C'est une habitude qu'elle a prise depuis le début du siècle. Il y a une première affaire au début du XXe siècle, hein, 1907 si je ne m'abuse, c'est l'affaire Trompman, le crime de Pantin. Il y a une famille entière décimée. Et pour la première fois, il y a un journal qui va raconter ça comme un feuilleton, qui va suivre l'affaire criminelle jour après jour. C'est le Petit Parisien qui vient d'être lancé à l'époque et qui va complètement bouleverser les codes et la manière de raconter et de suivre les affaires criminelles. Jusque-là, en gros, on va remplacer le feuilleton quotidien qu'on avait dans les grands journaux du 19e, sous la plume des grands littérateurs, les Fantomas, etc., par ces affaires-là. Et depuis, ça n'a cessé, en améliorant évidemment le récit à chaque époque. Jérôme Pierrat, on va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Johnny Cash avec un titre de circonstance, I Hung My Head. Early one morning, with time to kill, I borrowed Jeb's rifle and sat on the hill. I saw a lone rider crossing the plain. I drew a bead on him to practice my aim. My brother's rifle went off in my hand. A shot rang out across the land. The horse he kept running, the rider was dead. I hung my head, I hung my head. I set off running to wake from the dream. My brother's rifle went into the sheen. I kept on running into the Southlands. That's where they found me, my head in my hands. The sheriff, he asked me, Why had I run? And then it came to me just what I had done. And all for no reason, just one piece of lead. I hung my head, I hung my head. Here in the courthouse, the whole town was there. I see the judge high up in his chair. Explain to the courtroom what went through your mind. And we'll ask the jury what verdict they find. I felt the power of death over life. I orphaned his children, I widowed his wife. I beg their forgiveness, I wish I was dead. I hung my head, I hung my head. I hung my head, I hung my head. Early one morning, with time to kill, I see the gallows up on the hill. And out in the distance, a trick of the brain, I see a lone rider crossing the plain. And he come to fetch me to see what they done. And we'll ride together till kingdom come. I pray for God's mercy, 'cause soon I'll be dead. I hung my head, I hung my head. I hung my head, I hung my head. Jean-Pierre, dernière chose sur cette affaire des tueurs de Saint-Cloud. L'un des deux passe à l'échafaud, condamné à mort, exécuté. Ça n'émeut personne à l'époque. Hein. Qui a tué doit être tué, point barre. Oui, oui, on n'est pas encore au débat sur la peine de mort. Non, il va falloir attendre une bonne vingtaine d'années quand même pour en parler. Alors, des criminels passés à l'échafaud ou pas, il y en a beaucoup dans ce livre. Je répète que c'est un très beau livre. Alors, sur la couverture, sur fond blanc, on voit une photo d'un assassin, j'imagine. On voit un flacon d'arsenic, un flacon de josacine, un coffret avec des bijoux, des couteaux, du sang, une corne, une seringue. Enfin, il y a toute la panoplie du criminel. Et du crime. Et donc, c'est justement axé sur les pièces à conviction. C'est autant, votre entrée, ça. Hein. Autant de pièces à conviction. Oui, l'idée, c'était de raconter les affaires criminelles connues ou moins connues. Elles s'étalent sur 200 ans. Il y en a 35. Par le prisme des pièces à conviction. Il y a des affaires qui sont d'ailleurs symbolisées par leur pièce à conviction. Hein, la cuisinière de Landru. Et le pull-over rouge. Le pull-over rouge de Ranucci. Les valises du docteur Petiot, dont ils avaient fait un mur au moment du procès d'assises. Hein, puisqu'on expose les pièces à conviction au moment des procès d'assises. Donc c'était ça l'idée, c'était de revisiter ces affaires, ou en tout cas de les faire découvrir à travers les pièces à conviction. Et j'encourage nos auditeurs, s'ils achètent le livre, à lire Les derniers instants de Ranucci, le condamné à mort. C'est une double page, très impressionnant, vraiment très impressionnant. Merci infiniment, Jérôme Pira. Au revoir, à bientôt peut-être. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les tueurs de Saint-Cloud, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Florent Beauvallet qui était à la technique aujourd'hui.